poumelle décrit dans sa parole. Oui, sa parole. C'est la poumelle décrit dans sa parole. Oui, sa parole. Du temps de l'amour, du temps de l'amour en Christ. C'est le réveil de Christ dans sa parole. C'est Christ dans la lumière, son église. C'est Christ dans la lumière, son époux. Son époux. Cette femme, son avis, cette femme, parée d'or en Christ. C'est le réveil, Christ dans sa parole. C'est Christ dans la lumière, son église. Son église. C'est Christ dans la lumière, son époux. Son époux. Cette femme, son avis, cette femme. Jésus-Christ, l'époux et son époux. Oui, son règne. Jésus-Christ, l'époux et son époux. Oui, sa voix. En ce temps de mariage, ce temps de noces de gloire, c'est la promesse de Christ dans sa parole. C'est Christ dans la lumière, son église. C'est Christ dans la lumière, son époux. Son époux. Cette femme, son avis, cette femme, parée d'or en Christ. C'est le réveil, Christ dans sa parole. C'est Christ dans la lumière, son église. Son église. C'est Christ dans la lumière, son époux. Son épouse. Cette femme, son avis, cette femme. Paré d'or en Christ, c'est le revu, Christ dans sa parole.